Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Il y a quelques jours, un soulier de la reine Marie-Antoinette a été mis aux enchères par la maison Ossena à Versailles et bim, 44 000 euros pour la vente. Fascination, un coffret en bois de la même reine, 27 000 euros, la fascination pour les puissants. Oui, pourquoi les amours des rois et des reines nous fascinent-elles tant? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les folles amours des puissants seraient-elles différentes des émotions des simples manants? Les secrets de la reine, la tragédie amoureuse de la comtesse, les mois de la marquise, autant de sujets qui plaisent, disons-le, et qui énervent aussi quand l'histoire d'une période se réduit à décortiquer les sentiments d'un individu et plus souvent de deux. Pourtant, une histoire d'amour est un objet culturel, elle reflète l'air du temps, elle fluctue selon le contexte et ses histoires sont ensuite sans cesse racontées. Alors, ne mettons pas notre plaisir en berne, pourquoi les amours des rois et des reines nous fascinent-elles tant? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une histoire du sentiment amoureux, Aphrodite, Eros, Apollon, de l'amour dans l'Antiquité, ou encore Troubadour et Trouvère, les chants de l'amour courtois, des émissions à écouter et podcaster pour la balado-diffusion sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France, des émissions à commenter sur le groupe Facebook du cours de l'histoire. Aujourd'hui, les liaisons dangereuses de Marie-Antoinette. Ah, quel sujet! Est avec nous pour nous en parler, Evelyne Levert, bonjour. Xavier Mauduit. Écoutez, Evelyne Levert, vous avez fait toute votre carrière au CNRS, mais vous êtes devenue la spécialiste de l'histoire du XVIIIe siècle, et notamment avec cet ouvrage publié aux éditions Talendier, Le Grand Amour de Marie-Antoinette, c'est votre dernier ouvrage, avec Lettres secrètes de la reine et du comte de Fersen. Evelyne Levert, vous connaissez très bien ce monde à la fois de l'édition, à la fois des médias, et puis celui de l'histoire, de la recherche. Il y a dans le titre de l'ouvrage tout ce qu'il faut, mais c'est ce qui nous plaît aussi. Il y a Marie-Antoinette, l'amour et le secret. Comment expliquez-vous cette fascination que nous avons, nous le constatons par les succès d'audience de plein d'émissions, dès qu'il est question de Marie-Antoinette? Et alors si vous rajoutez le secret, alors là c'est bingo. Oui. Eh bien, évidemment, vous savez, qu'est-ce que la tragédie? C'est une reine qui a des malheurs. Il y a, je crois, un phénomène d'identification. Ils sont comme nous, et puis, mon Dieu, quand il leur arrive un malheur, on se prend de passion pour eux. Regardez ce qui s'était passé avec la princesse Diana il y a quelques années, n'est-ce pas? Ces amours malheureuses et cette jeune femme qui périt tragiquement, bien si vous voulez, Marie-Antoinette, c'est encore mieux, si j'ose dire, puisque là, vous avez une tragédie qui fait que Marie-Antoinette est devenue, pour certains, un véritable mythe. Si Marie-Antoinette était morte en accouchant en 1788 et même en 1789, personne n'en parlerait plus. Mais là, disons que la tragédie qui est entrée dans une vie qui n'était pas préparée à la tragédie a fait d'elle un personnage qui est entré dans la légende, et depuis plus de deux siècles, on scrute les moindres détails de cette vie. Cette vie que l'on considère comme ou très heureuse ou très malheureuse, et on s'aperçoit qu'il y a des zones d'ombre, et les zones d'ombre, eh bien, on cherche à les éclairer. Et je dois dire que cette correspondance qui a été enfin mise à jour, décaviardée parce qu'elle était mystérieuse, livre les derniers secrets. C'est comme si on avait violé l'intimité de la reine en voyant les déclarations d'amour qu'elle a faites au comte de Fersen et les déclarations d'amour qu'elle a reçues de cet amant. Et là, on a la preuve, parce que les passionnés de Marie-Antoinette se sont disputés sur cette question pendant des années et des années pour savoir si oui ou non ils avaient entretenu une liaison amoureuse. Alors de quelle nature est cette liaison amoureuse? Il y a beaucoup de gens avaient voulu nier cette liaison en disant que c'était de l'amitié simplement. Là, on a la preuve qu'ils se sont aimés. Je ne vous dirai pas jusqu'où ils sont allés, car je suis historienne et en tant qu'historienne, je m'en tiens aux éléments que je connais. Mais on peut en discuter autant que vous voudrez. Voilà, ben nous allons en discuter justement, mais il est essentiel, Évelyne Levert, et vous avez parfaitement raison, de mettre au centre de la conversation les éléments, donc c'est-à-dire les sources. Et dès qu'il est question de sentiments amoureux, la source est difficile à trouver parce que nous touchons à l'intime. Or là, nous avons cette correspondance. Il y a une correspondance entre la reine Marie-Antoinette et le comte de Fersen, ce beau Suédois qui, c'est un objet historique aussi, a été commenté depuis la fin du XVIIIe siècle. Cette relation est sans cesse analysée et la correspondance elle-même a une histoire. C'est-à-dire que les lettres ont été observées depuis, j'ai presque envie de dire qu'elles ont été connues. Et déjà au XIXe siècle, il y avait des publications, sauf que ces lettres n'étaient pas complètes. Il y avait de mystérieux points de suspension. Oui, alors en effet, ces lettres sont connues depuis longtemps. Elles ont été publiées en 1877 par un arrière-neveu de Fersen. Et ce sont des lettres qui sont politiques. Et elles sont très intéressantes sur le plan politique parce qu'elles permettent de comprendre quelle est vraiment la situation politique de la reine et quels sont ses vœux politiques depuis le retour de Varennes, c'est-à-dire au mois de juin, la fin du mois de juin 1791, jusqu'au 10 août 1792, chute de la monarchie. C'est la dernière année de la monarchie. Comme c'est Fersen qui avait organisé la fuite qui devait s'achever à Varennes, il n'est pas à Paris, la reine est à Paris aux Tuileries avec le roi, et lui est à Bruxelles, et ils s'écrivent pendant un an, ils échangent donc des lettres. Et ces lettres ont été, je vous disais, publiées par son arrière-neveu en 1877, et il y avait des passages qui étaient représentés, comme vous l'avez dit, en point de suspension. Et les historiens de l'époque ont voulu absolument voir les originaux. Et le baron de Klickowström, puisqu'il s'appelle baron de Klickowström, a refusé de communiquer les lettres. Et il était tellement sollicité, parce qu'il y avait cette passion, n'est-ce pas, pour les amours de Marie-Antoinette, parce qu'on savait quand même qu'il y avait eu des liens entre Fersen et Marie-Antoinette, il a dit qu'il avait brûlé les lettres. Et en 1982, donc un siècle plus tard, à la surprise générale, les héritiers des héritiers, ont mis en vente les lettres qui n'avaient pas été brûlées. Elles ont été mises en vente à Londres, et ce sont les Archives nationales de France qui les ont achetées. À ce moment-là, j'écrivais la biographie de Louis XVI, et j'ai eu la joie de les avoir entre les mains. J'ai été une des premières historiennes à les avoir entre les mains, mais alors on s'est aperçu que les passages qui étaient en pointillés étaient des passages qui étaient raturés, mais alors on appelle ça caviardés. Vous voyez, c'était vraiment absolument illisible. Alors on a tout essayé, la lampoude, etc. On n'est pas parvenu à lire quoi que ce soit. Donc on n'avançait pas. Et puis, quelques années plus tard, on m'a fait venir aussi aux Archives nationales, c'était le conservateur de l'époque qui m'avait demandé de voir avec des techniciens qui avaient des ordinateurs très sophistiqués pour voir si on pouvait pas lire sous ces fameuses ratures. Et là, je me rappelle, c'était un ingénieur suisse qui m'avait dit « Ah, madame, ça, c'est l'amour !» Alors, on était bien avancés. Et alors, récemment, depuis 2015, il y a eu l'histoire a été, l'énigme des ratures a été résolue grâce à un projet scientifique tout à fait sérieux qui est le projet REX, qui a réuni les Archives nationales, le Centre de recherche sur la conservation, la Fondation des sciences du patrimoine et un laboratoire de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Et on a passé 7 lettres de Marie-Antoinette et 8 lettres de Fersen à la fluorescence des rayons X. Pour la faire simple, je vous dirais qu'on a passé au scanner certaines lettres qui étaient bien raturées. Certaines lettres ont résisté au traitement et d'autres, au miracle, ont révélé ce qui était caché sous les ratures. Et je peux vous dire tout de suite que ce qui était caché sous les ratures, c'était des déclarations d'amour réciproques de la reine et de Fersen. Et on suit donc, alors ça éclaire, si vous voulez, ce que l'on savait, en fait, depuis longtemps, qu'il y avait une liaison amoureuse entre eux. Et ça m'a permis de réécrire l'histoire, disons, sentimentale de la reine, parce que je publie ses lettres, bien sûr, avec les passages inédits, mais qui sont assez peu nombreux, hein, il faut bien le dire, c'est une phrase par-ci, une phrase par-là, mais ça donne la clé de tout. Et ça m'a permis de retracer l'itinéraire affectif de Marie-Antoinette depuis sa petite enfance jusqu'à sa mort. Et c'est un éclairage, si vous voulez, que je considère comme un peu nouveau, de la personnalité de la reine que nous avons grâce à ces échanges amoureux. Evelyne Levert, c'est également la possibilité d'approcher le sentiment amoureux à travers une personne et pas n'importe quelle personne, puisqu'il s'agit de la reine de France. Et pour illustrer ces découvertes scientifiques, c'est toujours intéressant quand il y a des ratures, parce qu'on sait que spécifiquement sous la rature, il doit y avoir quelque chose. Je vous propose la lecture d'une de ces lettres. C'est une lettre de Marie-Antoinette au comte de Fersen. Elle est datée du 29 juin 1791. Elle nous est lue dans le cours de l'histoire par Tatiana Werner. J'existe, mon bien-aimé, et c'est pour vous adorer. Que j'ai été inquiète de vous, et que je vous plains de tout ce que vous souffrez de n'avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra que celle-ci vous arrive. Ne m'écrivez pas. Ce serait nous exposer, et surtout, ne revenez pas ici sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez sortis d'ici. Tout serait perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit. Cela m'est égal, vous n'êtes pas ici. Soyez tranquille. Il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu, le plus aimé des hommes. Calmez-vous si vous pouvez. Ménagez-vous pour moi. Je ne pourrai plus vous écrire, mais rien dans le monde ne peut m'empêcher de vous adorer. Tatiana Werner qui lisait une lettre de Marie-Antoinette au comte de Fersen, une lettre de juin 1791. Evelyne Levert, dans cette étude que vous donnez, hein, Le grand amour de Marie-Antoinette, lettre secrète de la reine et du comte de Fersen, publiée chez Talandier, il y a cet intérêt pour le sentiment d'une reine. Le cas particulier d'une reine de France fait que le sentiment est différent de celui du reste de la population. On ne peut pas étudier le sentiment amoureux au XVIIIe siècle uniquement à travers la reine. Comment se construit un sentiment amoureux chez une reine de France qui est programmée, qui est une princesse autrichienne avant d'être reine de France, qui est programmée pour épouser un grand de ce monde et faire des enfants? Alors, écoutez, tous les mariages royaux sont des mariages politiques. On ne demande pas leur avis à ceux qui vont se marier. Et il était bien évident que l'impératrice Marie-Thérèse donnait pour époux à sa fille qui était la plus jeune de ses filles, l'héritier du trône de France. Elle avait son devoir à accomplir, c'est-à-dire d'être soumise à son époux, le roi, et elle devait former, ça c'est vraiment, les injonctions de Marie-Thérèse, elle devait former avec lui un couple et avoir des enfants pour perpétuer la dynastie. Et elle lui a dit qu'elle lui offre le plus beau royaume d'Europe. Il est évident que c'est une mission, elle a une mission, et cette mission, c'est celle-là, et de maintenir le lien entre deux États. Donc, il n'est pas question d'avoir des amours en dehors du mariage. Et la reine, ne l'oublions pas, c'est elle qui porte les héritiers du trône, elle porte le sang de France, le sang FANG, bien entendu, et elle ne peut pas être adultère. Marie-Antoinette s'était forcée d'aimer son mari, disons que ça a été très compliqué parce que elle n'avait pas d'attirance pour lui et lui était assez inhibé, n'avait pas non plus beaucoup d'attirance pour elle. Ils ont mis 7 ans à consommer ce mariage et il a fallu que le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, vienne en France et joue le rôle de conseiller conjugal. Et il l'a raconté dans plusieurs lettres, des lettres secrètes bien évidemment, mais enfin que l'on connaît depuis longtemps, ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas dans le lit conjugal. Et c'est très triste de voir comment les choses se passaient. Donc, on a là l'image d'un couple qui a eu beaucoup de difficultés à se former et qui a fini par avoir d'abord une fille et ensuite un fils, un dauphin. C'est ce que l'on attend d'une reine de France, c'est qu'elle donne des fils parce qu'il faut perpétuer la dynastie, bien entendu. Alors, Marie-Antoinette vivait dans une cour où il y avait autour d'elle un certain nombre de jeunes couples aristocratiques qui étaient, une fois que l'épouse avait donné un fils légitime, les époux permettaient qu'elles aient des amants et eux-mêmes avaient des maîtresses. Donc on était dans une atmosphère qui était une atmosphère, disons, assez légère. Et seule la reine n'avait pas le droit d'aimer. Et elle s'est permis, si vous voulez, d'aimer en secret un homme qui est arrivé un peu par hasard, ce n'était pas un Français, qui est arrivé à la cour de France, et elle a eu ce qu'on appelle un coup de foudre, et cet homme a répondu, alors l'histoire est compliquée, l'histoire est longue, et cet homme-là a retenu son attention et elle l'a véritablement aimé. Et dans le texte qu'on a lu, c'est la lettre, c'est la seule lettre complète que l'on ait de Marie-Antoinette, de lettre uniquement amoureuse, on voit qu'elle se livre avec la sincérité d'une amante, et que ni son rang, ni ses devoirs ne s'opposent à cet amour, et c'est un amour qui a éclairé son existence. Elle est en faute complète, si vous voulez, par rapport à son devoir. Peut-être qu'elle n'aime que sentimentalement cet homme, je peux pas dire s'ils ont été amants au sens où nous l'entendons, mais de toute façon, elle l'aime et elle se livre à lui. Alors, elle n'est pas la seule femme adulte, enfin, elle n'est pas la seule femme mariée qui a eu des liaisons. On a des quantités de témoignages de femmes qui ont aimé, qui ont été aimées, c'est assez rare qu'une reine, c'est même très rare, se livre avec une telle sincérité quand elle lui dit « Rien dans le monde ne peut m'empêcher de vous adorer ». Écoutez, moi je trouve ces phrases d'adoration, par exemple chez Madame du Châtelet qui écrit à son amant Saint-Lambert, dont elle attend d'ailleurs un enfant, elle est mariée et elle est en plus la compagne de Voltaire. J'ai trouvé le mot adoré dans cette correspondance-là. On trouve dans certaines correspondances, mais de femmes mariées qui avouent comme ça leurs sentiments, déjà pour une femme mariée de l'aristocratie, ça va très loin, mais pour une reine de France, ça va encore beaucoup plus loin. Et puis, vous avez bien expliqué, Évelyne Levert, que la reine ne peut pas aimer. Cela est compliqué. Elle ne peut aimer que le roi, alors qu'elle vit dans un monde où les courtisans peuvent s'aimer entre eux, ils sont libérés, et que le roi lui-même, et là nous sommes dans une histoire genrée, le roi lui peut aimer, il peut avoir des maîtresses, et c'est même bien vu qu'il ait des maîtresses, ce qui n'est pas le cas de Louis XVI, mais peu importe, le roi a le droit, elle n'a pas le droit. Et cela s'inscrit dans ce cadre du sentiment amoureux du XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui nous sommes sur une question d'amour à distance, parfois des sextos, mais en l'occurrence au XVIIIe siècle, ces sextos passent par la correspondance. Je vous propose d'écouter ce que disait Joanne Hyde Stewart, qui est présidente émérite d'Hamilton College et Régis Labourdette, donc docteur en histoire de l'art et en archéologie, qui évoquait le cas de Madame Riccobini. Donc Madame Riccobini, comédienne romancière du XVIIIe siècle, la chaste Madame Riccobini. C'est la distance. Il faut prendre la distance. Que ce soit la distance de l'âge ou de l'espace ou du temps. C'est la distance. Donc décidément, l'amour, le véritable amour, est impossible si on croit que l'amour met en présence véritablement deux êtres. L'amour n'est possible que... Que si les êtres restent séparés, comme dans les romans par lettres. Oui. Ça, c'est le propre du roman par lettres, n'est-ce pas ? Alors, de ce point de vue, le roman par lettres du XVIIIe siècle serait un exemple extraordinaire de l'impossibilité de communication. Bien sûr. Je crois que justement, les blancs qui séparent les lettres sont le symbole matériel du silence, de l'oubli qui intervient entre chacune de ces lettres, de la distance entre les correspondants. l'amour à distance au XVIIIe siècle qui passe par la correspondance amoureuse qui devient même un genre littéraire. Evelyne Levert, la reine Marie-Antoinette aime le comte de Fersen, les lettres qui aujourd'hui ont réussi à être décryptées nous le prouvent. Cet amour se construit comme une échappatoire. Nous avons cette image de Versailles étriquée d'une reine qui cherche à respirer dans ce palais contraint par l'étiquette. Est-ce que son amour est une idéalisation comme un espace de liberté qui passe par la correspondance ? Je ne crois pas, parce que ils ont été réunis pendant plusieurs périodes, et il faut bien se dire que à l'époque on n'a pas le téléphone, on n'a pas de portable, on n'a pas de texto, mais on s'envoie des billets pour un oui, pour un non. Et puis, quand on est la reine, on a des porteurs, il faut communiquer d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous venez ce soir? Est-ce que vous ne venez pas ce soir? Bon. Il y a eu une correspondance entre Marie-Antoinette et Fersen. Elle ne commence pas là, leur correspondance. Elle commence vraisemblablement pendant qu'il est en Amérique, c'est-à-dire entre 1780 et 1783. Et quand il arrive en France, en 1783, c'est là que la liaison commence véritablement. Et on s'en rend compte parce que vous savez que nous travaillons uniquement sur des épaves, nous les historiens. On n'a plus les lettres qui se sont envoyées, mais on a le carnet de correspondance de Fersen. Et dans ce carnet de correspondance, il note toutes les lettres qu'il envoie à Marie-Antoinette, qui apparaît dans ce carnet de correspondance sous le pseudonyme de Joséphine. Alors, on voit que dès qu'il la quitte, il lui écrit. Et quelquefois, il dit ce qu'il a mis dans la lettre. Enfin, il résume très, très brièvement. Donc, quand il est avec elle, il n'y a pas de lettre. Et quand il est plus à Versailles, eh bien, on voit des lettres tous les deux ou trois jours qui se succèdent. Et puis, quand il revient, et dans le carnet de correspondance, les lettres s'arrêtent. Alors, je pense que l'amour à distance, bah oui, quand ils sont séparés, ils s'écrivent. Et quand ils sont ensemble, bah, ils ne s'écrivent pas puisqu'ils se voient. Il y a donc l'amour existe, sans doute se le disent-ils, jusqu'où vont-ils ? Là encore une fois, je ne sais pas, mais il est présent, il est là. Et l'amour à distance uniquement lorsqu'ils sont séparés. Je crois que il y a la littérature d'un côté, les romans par lettres dont parlait le professeur que vous avez cité tout à l'heure, mais il y a aussi les lettres d'amour véritables, comme je vous citais tout à l'heure par exemple, les lettres de Madame du Châtelet à son amant Saint-Lambert, c'est-à-dire que il se voit le lendemain, elle lui écrit comme si aujourd'hui elle lui passait un coup de téléphone, où elle lui fait des reproches, où elle lui dit qu'elle l'aime, etc., etc., puis il y a le rendez-vous pour la prochaine fois, etc. Donc les lettres entre les amants, eh bien les lettres, ce sont nos coups de téléphone ou nos textos, mais entre deux êtres qui ne sont pas des êtres de roman, mais des êtres de chair et de sang, eh bien, les lettres nous disent ce qui se passe en dehors de deux rendez-vous. Cette relation, alors amicale, amoureuse, peu importe, j'imagine, est très commentée. D'ailleurs, les lettres peuvent être surveillées. Comment se construit cette relation ? Comment est-elle regardée à Versailles, ce lien très fort entre la reine de France et puis ce comte suédois ? Alors, on jase. Vous savez, de toute façon, la personne royale, et c'est toujours pareil aujourd'hui, nous le savons bien, alors regardez ce qui se passe à la cour d'Angleterre et regardez les tabloïds, c'est quelque chose quand même de fantastique, et puis après on commente tout cela. À l'époque, la reine qui... Alors, on se trouve à Versailles dans un schéma qui est très différent de ce qu'il était au XVIIIe et au XVIIe siècle, c'est-à-dire que on avait, sous Louis XIV et sous Louis XV, un roi flamboyant et qui avait des maîtresses et une reine qui était tenue à l'écart, disons. Là, c'est le schéma contraire. On a un souverain qui est peu séduisant, qui est un homme sérieux, qui travaille, qui n'a pas de maîtresse. et une reine qui attire sur elle absolument tous les regards. Et elle a, hein, en quelque sorte, le rôle qu'avaient autrefois les maîtresses. De ce fait, pas un de ses gestes n'est commenté. Et très vite, on avait vu que Marie-Antoinette, qui aspirait à être la plus jolie femme de la cour, la plus jolie femme du royaume, c'était un peu une reine de la mode, on l'a dit, on l'a répété, mais c'est assez exact. Alors on a commenté toutes ses actions, ses dépenses, et puis on a vu qu'elle avait un certain goût pour les jeunes gens. Et elle a eu, disons, ce qu'on aurait appelé à une certaine époque des flirts, c'est-à-dire que certains courtisans se sont beaucoup approchés d'elle. Elle-même a sans doute été émue par ces hommes qui étaient plus plaisants que son époux. Mais ce n'est pas allé loin du tout. On ne sait même pas si elle les a embrassés, enfin s'il y a eu quelque chose. Et puis cette histoire d'amour se construit autour d'un palais, d'un roi, et puis d'un contexte, d'une période. Et cette période est celle de la Révolution française, une période compliquée. Évelyne Levert, vous nous évoquez cette fascination contemporaine pour la reine Marie-Antoinette, une fascination qui a traversé le temps jusqu'au bicentenaire de la Révolution française en 1989. Bien sûr, la reine était au cœur des préoccupations, ce qui avait étonné Jean Ferrat, le chanteur Jean Ferrat, qui voyait dans ce bicentenaire comme une mise en avant de ceux qui avaient été renversés sous la Révolution. Écoutez sa chanson Bicentenaire. J'ai frémi pour ces grandes dames, ces beaux seigneurs si émouvants, qui montraient tant de grandeur d'âme, de noblesse, de sentiment, avant que leur tête grimace, au bout des piques acérées, agitées par la populace, des sans-culottes avinées. Mais dans sa chaumière, je n'ai pas vu pauvre Martin, pauvre misère, creusant la terre de ses mains. Deux siècles après 89, il fallait oser l'inventer. À la télé, on fait du neuf en acquittant la royauté. Deux siècles après 89, d'autres seigneurs veillent au grain. Et toi qui vivais comme un bœuf, ce sont tes maîtres que l'on plaint. À six pieds sous terre, ton bicentenaire, ils l'ont enterré bel et bien. Pauvre Martin, pauvre misère, c'est toujours le peuple qu'on craint. Pauvre Martin, pauvre misère, c'est toujours le peuple qu'on craint. Jean Ferrat, bicentenaire, fait du bien dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Valla avec aujourd'hui à la technique Jacques Azubert. Le cours de l'histoire qui s'intéresse aux liaisons dangereuses de Marie-Antoinette, un regard à porter sur l'amour au XVIIIe siècle, cet amour complexe d'une reine et comprendre pourquoi l'amour des puissants nous fascine tant. Alors cet amour très compliqué de la reine Marie-Antoinette rencontre les événements, la Révolution française. Évelyne Levert, dans Le Grand Amour de Marie-Antoinette, ces lettres secrètes de la reine et du comte de Fersen, bien sûr, nous pouvons regarder l'aspect amoureux. Cette histoire se mélange d'énormément de politique. Oui, absolument. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que la liaison, c'est tissé entre 1783 jusqu'à la mort de la reine, c'est-à-dire pendant 10 ans, mais au moment où la Révolution éclate, c'est une liaison qui véritablement fonctionne, si vous me permettez ce terme. Vous voyez, donc ce n'est pas au moment de la Révolution que cette liaison se solidifie. Elle existe déjà bien avant. Vous voyez, c'est une liaison qui se poursuit. La liaison se poursuit et puis il y a, et l'amour peut passer du sentiment à l'acte, à la volonté du comte de Fersen de sauver son aimé, de sauver Marie-Antoinette. Alors, voilà. Absolument. Alors, à partir du moment, il veut sauver la reine, il veut la consoler, il le dit parce qu'il écrit aussi, il y a aussi une quantité de lettres qui sont écrites à sa sœur et qui éclairent aussi la personnalité de Fersen et sa liaison avec Marie-Antoinette. Et il dit qu'il est désolé de ne pas pouvoir la rendre parfaitement heureuse et il dit qu'il veut la consoler. Et lorsque ils sont séparés, alors après la fuite qui s'achève à Varennes, ils s'imaginent être l'émissaire du roi et de la reine auprès des puissances étrangères pour essayer de former une coalition pour faire en quelque sorte une alliance entre les souverains d'Europe pour menacer les forces révolutionnaire. Alors il s'agite dans tous les sens. Il dit à la reine, il faut écrire à l'impératrice de Russie, il faut écrire à la reine d'Espagne. Il faut aussi votre frère l'empereur vous trompe, il ne fera rien pour vous. Donc il l'abreuve de conseils politiques et il lui dit que jamais ils ne viendront à bout des factieux, ils appellent les factieux, c'est-à-dire les révolutionnaires, mais même les révolutionnaires les plus modérés, parce que Marie-Antoinette ne voit dans la réunion de l'Assemblée législative qu'un amas de fous et de bêtes, elle le lui écrit. Enfin, c'est très violent aussi ce qu'elle lui écrit sur le plan politique pour décrire leur situation. Et Fersen joue un rôle, il se prend pour l'émissaire de la reine auprès des cours étrangères. Et ça, c'est tout le fond, si vous voulez, de cette correspondance. Et il a peur que Marie-Antoinette ne se laisse aller au constitutionnel, c'est-à-dire aux hommes de 89 les plus modérés, comme Barnave, qui a essayé de convaincre la reine de la nécessité que le roi accepte la constitution, qu'ils reconquièrent tous les deux une certaine popularité et de jouer à fond le jeu de la monarchie constitutionnelle. Et Fersen, ça l'inquiète beaucoup. Et en effet, Marie-Antoinette, parce qu'elle écrit aussi, elle ne correspond pas qu'avec Fersen à cette époque-là, elle correspond justement avec Barnave, et cette correspondance avec Barnave est très intéressante. Et puis, elle correspond aussi avec l'ancien ambassadeur d'Autriche en France, Merci Argenton, parce que j'ai publié l'ensemble de ces lettres-là dans la correspondance générale de Marie-Antoinette, et il n'y a pas que Fersen parmi ses correspondants. Mais c'est à lui qu'elle parle sans doute le plus sincèrement, et c'est à lui, évidemment, qu'elle parle d'amour de temps à autre. Je dis bien de temps à autre parce que ce sont des phrases qui sont, les déclarations d'amour, c'est assez ponctuel, si vous voulez, au sein de cette correspondance qui est une correspondance politique d'une reine qui ne voit son salut, enfin, c'est-à-dire le salut de la monarchie, que dans une guerre, soit d'abord dans un congrès des grandes puissances pour menacer les forces révolutionnaires françaises, et puis plus tard dans une guerre qui rétablirait, c'est une guerre évidemment menée par une coalition, et qui rétablirait le roi Louis XVI dans les pouvoirs qui étaient les siens avant la Révolution. Et toujours en quête de un élément d'explication pour la fascination. Mais la fascination peut-elle s'expliquer? Comment notre regard se porte sur l'amour des puissants? Il y a avec Marie-Antoinette le cocktail détonnant, mélange de politique, d'amour, de tragédie, vous l'avez dit, Evelyne Levert, et aussi d'aventure. C'est ce qui nous plaît dans le récit historique. Le récit historique repris ensuite, notamment par Sacha Guitry, dans le film Si Versailles m'était compté, en 1955, où la fuite à Varennes est racontée, et là, le cocktail est en place, il y a un peu d'amour, en tout cas les amoureux, il y a de l'aventure et de la tragédie. Hans ! Hans ! Jour et nuit, je n'ai cessé de penser à vous. Jour et nuit, je n'ai cessé de vous aimer, madame. Et je viens vous chercher. Me chercher? Il vous faut m'obéir. Vous êtes en danger, madame. Une voiture est en bas. Quittez Paris, quittez Versailles. Et laissez-moi vous conduire, Sa Majesté le Roi et vous, en un lieu sûr. je n'en ai pas le droit. Et Dieu sait pourtant si je t'aime. Personne, jamais, n'est-ce pas, ne connaîtra la vérité sur notre amour. Personne. Et personne jamais n'a su la vérité. Voilà, Sacha Guitry, personne jamais ne su la vérité dans Si Versailles m'était compté. Alors, il faisait quelque chose d'incroyable à la fin de Si Versailles m'était compté, c'est-à-dire qu'on partait de Versailles et on partait pour ce qui allait être Varennes. Alors attention, il y a tout un épisode entre les journées d'octobre 1789, la famille royale aux Tuileries de octobre 89 jusqu'à juin 91, et puis Varennes. Non, vous savez, Guitry avait quand même des connaissances historiques, mais enfin, il adaptait l'histoire. Mais il y avait eu un plus beau film, si vous voulez, sur la plus juste historiquement, qui était la Marie-Antoinette de Jean Delannoy, qui était plus proche de la vérité historique avec cette, justement, l'évocation de cette liaison avec Fersen qui était assez bien faite. Évidemment, c'est complètement démodé aujourd'hui. C'était complètement démodé, mais cela permet de consolider une image que nous avons, qui se véhicule comme ça, de la relation entre Marie-Antoinette et le comte de Fersen. Dites-nous, Evelyne Levert, dans ces rapports assez complexes entre une reine de France qui est déchue à partir de 1792, et puis ce comte suédois, il y a quelque chose qui nous trouble aussi, c'est cet amour impossible. C'est sans doute pour ça qu'il y a une forme de fascination. L'amour impossible est quelque chose d'universel. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, Fersen, qui a pourtant une liaison, alors une vraie liaison avec une aventurière, au moment de la mort de la reine, eh bien, c'est le double inversé de la reine, la femme avec laquelle il vit, enfin en ménage à trois, parce qu'elle a aussi un amant, cette femme. Fersen ne pense qu'à la reine, et il faut lire le journal de Fersen où il parle du malheur extraordinaire qui lui est arrivé, que jamais la vie ne sera plus comme avant, et il est le veuf, c'est ce que j'ai écrit je crois, le veuf d'un amour inconsolable. Et tout au long de sa vie, il va commémorer certaines dates, les dates à laquelle, eh bien, ils ont été heureux, la date du 20 juin 1791, la date de Varennes, et il s'en est voulu énormément, eh bien, que la fuite échoue, alors que ce n'était pas du tout de sa faute. Et tout au long de sa vie, il va égrener, n'est-ce pas, il va vouer un culte à cette femme absolument incomparable, qui est l'inégalée, l'inoubliable, et celle qui reste la femme de sa vie. Et par un hasard dramatique, il est lynché par la foule le 20 juin, date anniversaire de Varennes, le 20 juin 1810 en Suède. Et il est lynché par la foule et il meurt dans des conditions absolument abominables. Comme, n'est-ce pas, un écho au malheur de cette femme qu'il avait tant aimée. Il faut dire que l'histoire avec un grand H nous a donné un scénario dont il est difficile quelquefois de se détacher. Il est difficile de se détacher de ce scénario avec une reine de France qui est exécutée le 16 octobre 1793 et son amoureux qui lui survit, qui meurt lynché par la foule en 1810, mais ça c'est dans un autre pays, avec cet amour qui est toujours là. Et nous évoquions l'aspect universel de l'amour. Et bien pour l'illustrer, je vous propose la lecture d'une lettre du comte de Fersen. Donc c'est Fersen qui écrit, il écrit à Marie-Antoinette le 25 octobre 1791, dans le cours de l'histoire, c'est une lecture par Tatiana Werner. Ma chère et bien bonne amie, mon Dieu, qu'il est cruel d'être si près et de ne pouvoir se voir pour nous dire combien nous nous aimons, que je ne vis et n'existe que pour vous aimer, vous adorer, que ma seule consolation est l'espoir de vous revoir. Qu'il n'y a que cela qui me soutienne et paye. le comte de Fersen qui écrit à Marie-Antoinette en octobre 1791. Donc là, nous sommes plusieurs mois après l'échec de la fuite à Varennes. Dites-nous, Évelyne Levert, dans le regard que vous portez sur cet amour particulier d'une reine de France et d'un comte suédois, il y a des fils à tirer pour cette fascination avec tant d'autres histoires. Alors, vous avez déjà évoqué le cas Lady Di, mais c'est vrai qu'il y a une assimilation entre Marie-Antoinette et Lady Di, comme il y a pu y avoir un regard fasciné de l'impératrice Eugénie sous le Second Empire pour Marie-Antoinette. En fait, cette histoire d'amour entre dans un schéma, c'est presque un topos, sur lequel nous pouvons projeter nous-mêmes nos interrogations. Oui, il y a un phénomène d'identification, parce qu'il y a le malheur qui est là, et c'est le malheur qui rend ces personnages tout à fait humains. Si c'était un amour heureux, un amour heureux, il y a pas d'histoire. Il faut qu'il y ait à un moment donné le drame. Donc c'est ce phénomène d'identification, et on veut, me semble-t-il, donner à cette reine qui a eu des malheurs, l'amour qu'elle n'a pas reçu, et on a toujours l'impression d'une injustice, enfin du moins ceux qui l'aiment, d'une injustice à son égard, et c'est comme un amour qu'on veut lui donner post-mortem. Et en effet, vous citiez tout à l'heure la fascination, le fétichisme qui s'attache à la reine pour cette petite chaussure qui a été vendue plus de 40 000 euros, ce qui est complètement fou, parce que c'est la relique, et vous voyez là, on tombe dans le fétichisme très très vite. Et puis, il y a un autre regard à porter sur une histoire d'amour, celle de Marie-Antoinette et du comte de Fersen, c'est la manière dont elle a été perçue à différents moments. Donc cette histoire se construit à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, en tout cas, elle s'arrête en 1793 du côté de Marie-Antoinette et puis en 1810 du côté du comte de Fersen. Mais ensuite, elle est sans arrêt regardée avec la volonté, notamment dans un premier temps de la monarchie, de mettre cette histoire d'amour presque sous cloche, ou en tout cas de la transformer en une histoire d'amitié. La reine de France ne pouvait pas être amoureuse d'un comte suédois. Non, la reine de France, parce que c'était quand même, vous savez, on jasait du temps de Marie-Antoinette, mais lorsqu'il y a eu la restauration en 1815, ceux qui avaient vécu les événements et qui ont écrit leur mémoire, les courtisans qui ont écrit, ou toute la noblesse qui a écrit ses mémoires, eh bien, on ne pouvait pas parler d'une liaison possible de la reine avec Fersen, parce que ça aurait été la soupçonner d'avoir trompé son mari, c'était l'accuser d'un crime contre la monarchie. Donc, on n'a pas parlé de ça. Il y a juste vraiment un ministre, le comte de Saint-Prix, qui a évoqué, un certain nombre de détails qui prouverait que la reine avait vraiment une liaison avec Fersen. Mais les autres se sont tus. Et on n'a rien dit, ou presque rien dit. Simplement, le fils de Bouillet, qui avait organisé la fuite à Varennes, a dit que Fersen, qu'il avait rencontré, avait toutes les qualités qui convenaient à l'amant d'une reine. Donc, vous voyez, on savait bien, mais on s'est tus, parce que après les drames qui s'étaient passés, il était impossible de parler de cela. Mais il a fallu attendre la publication des archives, etc., etc. Bon, parce que pour les royalistes, c'était impensable que Marie-Antoinette ait pu tromper son époux, ne serait-ce qu'en penser. C'était le crime de l'amour. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que tout à fait au XIXe siècle, dans leur première biographie, les Goncourt ont dit « Marie-Antoinette n'a pas besoin d'excuses, elle est demeurée pure ». Et on a Barbet d'Aurevilly, qui était un monarchiste, disait « ce qu'elle est par-dessus tout, c'est l'épouse ». Donc il fallait absolument, l'épouse avec un E majuscule, donc il fallait absolument sauver Marie-Antoinette de toutes les accusations d'adultère dont elle avait été, il faut dire qu'il y avait eu aussi énormément de pamphlets, dont elle avait été victime. Donc il fallait donner cette image-là. Le XIXe siècle a voulu donner l'image d'une reine qui était la reine martyre. Et point à la ligne, on s'arrêtait là. c'était la reine martyre. Et puis, au XXe siècle, on a commencé à donner de Marie-Antoinette une image plus réelle. Et celui qui a vraiment eu les meilleures intuitions en ayant vu quelques archives, c'est quand même Stefan Zweig. Et à partir de là, on a eu de plus en plus de sources et on s'est mis à reconsidérer Marie-Antoinette différemment. Mais moi, ce qui me semble tout à fait extraordinaire, et c'est comme ça que je vois que Marie-Antoinette, pour moi, est une femme miroir qui reflète les fantasmes de la société à des époques différentes. Vous voyez, 19e siècle, la reine martyre, et aujourd'hui, on est même arrivé, et ça m'avait beaucoup frappé dans le film de Sofia Coppola, ce n'était plus du tout la reine martyre, c'était une reine extrêmement légère qui bouffait des macarons, enfin bon, c'était symbolique, qui s'amusait, qui voulait s'amuser. Et on retrouvait l'image négative de la reine, l'image négative de cette femme frivole qu'on lui avait beaucoup reproché de son temps. Et je me suis dit, c'est pas possible, elle n'est pas sympathique, ça ne va pas marcher. Eh bien, au contraire, je me souviens que les adolescentes, ce film a une quinzaine d'années, que les adolescentes de l'époque avaient trouvé que c'était formidable parce que c'était une femme qui s'amusait. Et ce désir de jouissance de la vie courante, eh bien, était en exergue dans le film de la Marie-Antoinette de Sofia Coppola, et ça correspondait, je me suis rendu compte à ce moment-là, à ma grande surprise, ben, ça correspondait à ce que toute une jeunesse, adoptait et admirait. Donc vous voyez, on voit Marie-Antoinette de façon différente suivant les époques. C'est pour moi une femme miroir. Voilà, et bien dans ce miroir, Evelyne Levert, nous retenons qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce désir de jouissance. Nous avons tellement besoin d'amour et de nous aérer un peu l'esprit en période de confinement qui fait que l'on peut s'intéresser à Marie-Antoinette. Merci à vous, Evelyne Levert. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le grand amour de Marie-Antoinette, Lettre secrète de la reine et du comte de Fersen. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'histoire, dites donc ma bonne dame, heureusement que le monde a bien changé. Un contexte social conflictuel, des partis déboussolés par un gouvernement qui affirme vouloir dépasser les clivages politiques traditionnels et une épidémie qui s'invite pour achever d'ébranler les certitudes d'un ancien monde qui cherche, sans la trouver, une nouvelle voie. Nous ne sommes pas en 2020, nous sommes en 1832. Nicolas Delalande signe dans l'Histoire mondiale de la France une notice qui pourrait nous rattraper par le col, pas si poussiéreux, de l'histoire. Au matin du 16 mai 1832, on annonce la mort de Casimir Perier, chef du gouvernement du régime en place, la monarchie de Juillet, une monarchie parlementaire issue de la Révolution de 1830. Le roi Louis-Philippe ne règne pas sur une nation très sereine, loin de là. Les républicains sont frustrés par le maintien de la monarchie, les dynasties royales concurrentes complotent de leur côté, tandis que la révolte sociale gronde à Lyon par la voix des canuts qui revendiquent une rétribution à la hauteur de leur travail. Les espoirs étaient pourtant grands, mais 2 ans après, le nouveau régime ne contente pas grand monde. Et pour achever ce sinistre tableau, en mars, un mal asiatique fait son apparition et frappe la capitale. 100 000 personnes en meurent en quelques semaines, une mort foudroyante avec les caractéristiques séduisantes d'une super gastro-entérite. C'est pour faire la preuve de son empathie face aux tourments d'un peuple qui a déjà peu d'affection pour lui que Louis-Philippe envoie le prince son fils et Casimir Perier visiter quelques malades à l'Hôtel Dieu dans une opération de représentation publique du pouvoir au chevet de la nation affaiblie. Une opération caritative fatale à Casimir, malgré les médecins réputés qui s'affairaient autour de son cas. Le choléra, puisqu'il s'agit bien de ça, est contagieux et ne fait pas de distinction de classe parmi ses victimes. I had Cette maladie toute neuve avait bien touché l'Inde et Java en y causant des ravages, mais si lointains que l'on s'était contenté de renforcer les contrôles sanitaires avant de passer à autre chose. C'était avant de constater que le virus ne s'embarrassait pas des frontières politiques ou naturelles, si l'on en croyait son parcours et sa présence bientôt signalée aux États-Unis. Si le choléra tuait, il aggravait aussi les tensions politiques dont les ressemblances frappantes démontraient l'avènement d'un monde connecté et des États aux fragilités contagieuses. Une interdépendance politique et biologique dont les foyers révolutionnaires étaient les symptômes aussi bien en France qu'en Belgique, en Italie ou en Grèce. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots. Le fléau était bien plus grave qu'une maladie tueuse de pauvres. Le choléra et sa cousine, la question sociale, ne pouvaient plus être ignorés, semblait-il. Les miasmes de virus apparaissaient dans une analogie monstrueuse avec l'épidémie révolutionnaire du temps et détourner le regard n'était plus la solution habituellement si pratique. Le choléra a fait son apparition encore 5 fois jusqu'au début du XXe siècle, s'installant confortablement au cœur du moteur des tensions sociales, des affrontements scientifiques et des stratégies internationales. Un monde d'avant qui n'a vraiment rien à voir avec le nôtre. Merci Anaïs Quien. Le journal de l'Histoire est en ligne et en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tosiane Viudès, Odile Joissel, Valentine Lovrens, Maïwenn Guizhou. À écouter et à podcaster pour la balado-diffusion, c'est sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, le romantisme entre amour et convention.